Le chef de la délégation du Parti Travail de Corée, Lee Soo-yong, membre du bureau politique et vice-président du comité central du Parti Travail de Corée, en séjour en Afrique du Sud, s'est entretenu le 26 avec Zessie Duarte, secrétaire général adjoint du Congrès national africain de l'Afrique du Sud. À l'entretien ont pris part de notre côté les membres de la délégation du Parti Travail de Corée et l'ambassadeur coréen, et du côté sud-africain, les membres du comité exécutif national du Congrès national africain. Précédemment, Lee Soo-yong s'est entretenu avec Solly Mapuile, deuxième secrétaire général adjoint du comité central du Parti communiste sud-africain. Le même jour, la délégation du Parti Travail de Corée conduite par Lee Soo-yong a quitté Johannesburg par vol au terme de sa visite en Afrique du Sud.